this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Le temps passe, la musique reste. Écoutez les histoires qui se racontent, les voix qui s'élèvent, le temps d'une chanson. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous ce soir et on commence avec une nouveauté en provenance d'Allemagne, c'est-à-dire le nouvel et septième album studio de Argos. L'album a pour titre Halfway Between Heaven and Mirth et ce soir on vous présente une édition écourtée de la plus longue pièce de l'album qui a pour titre Daedalus Machines. Et puis d'Italie, on aura un nouvel extrait de l'album Il Naufragio della Speranza de Entity et une nouveauté aussi en provenance de Belgique, Marc. Oui, on aura un extrait du nouvel album de la formation Mind Games qui a débuté à la fin des années 90. Leur premier album était paru en 2002. Ils ont présenté récemment leur cinquième album qui a pour titre Spirals in the Wider Space. Et pour vous ce soir, on aura la pièce Godlike Strangers. Et comme vous le disait Michel, on débute ce soir avec la formation allemande Argos. When the skies are gray and the clouds hang low in winter, I'll read you another line. Glories fade and pass like a breath on glass. Remember, our journey starts in the mind. For now things won't get better, you know it's time. Throw back some words in a letter, open up your eyes. And we traveled on, moved beyond the dawn. The shadows followed us everywhere. Like a razor blade in the hazy shade of summer, strange power of earth and air. For now things won't get better, we know it's time. Throw back some words in a letter, open up your eyes. Building machines deep in the shadows. heavy is the load. Daedalus watching over his shoulder, hidden is the cold. How far it all seems, I wish I could go back to the start. Carry the harvest, run to the hill. Carry the harvest, run. Storm drift in this ocean of life, waters rise. Shapes are descending, phantom-like figures. This labyrinth deforms and the walls disappear. The broken veneer falls off. Gazing at the sky, bad old sods. Stab me in the back. Work is done. Put me in the crowd. Place to bait. It's not too late.

Salut, ici Sandro de Mind Games. Vous écoutez Terra Incognita. And why we worry about the end of days. We were living a dream. How could we know that miles beyond we've been approached by a man of grace? Some ripples in the ocean waves didn't occur to us to see the signs, to see the dangers, and that it were creatures never seen before appeared to us. Godlike strangers. Men of steel with arms of fire burn a village down. Ruthlessly they vandalize. The gods who claim the new land all seem to behave like tameless beasts in paradise. There's a girl. CKRL 89.1. Les contes sur le parvis sont de retour. Chaque dimanche du mois d'août, venez à la Maison de la littérature écouter les conteurs et conteuses vous en dire des vertes et des pas mûres. Puisant autant dans le folklore que dans leur imagination déjantée pour élaborer de brèves histoires, ils et elles se succèdent pour offrir un moment de plaisir gratuit à ne pas manquer. Limonade fraîche incluse.

Stand and deliver. You're under fire. Out in the troops. You follow orders. You can prepare. You learn the rules. It's a tooth for a tooth and a knife for a knife. Till you're biting your jaws and you're blindly fighting on. And you're grasping and clawing and kicking and scratching and climbing and reaching the top. Do it. Do it. a small in-and-out muddied town. They drew up a smart carriage of no certain renown. The two steeds were exhausted and so led to be fed, and the humans to a raking for a meal and a bed. Baked pudding with onions, pork and pork is to delight, when the landlord boomingly announced the surprise of the night. They were led to a backyard where the light was quite dim, but they all saw the cage and the creature within. Famished and foul, it was some kind of owl. The landlord addressed the gathered guests. All you good people, come gather round. The man by the town, song. It was thrown a dead road into a applause from the throng. Then the gathering broke up, cause the hour was late. Mr. Fogg wasn't pleased, no, but upset and irate. This isn't right, Parker's, this is not right. That we'll be right back. we lose youth to freedom like we hear. And now it grows fair, and when it's like my core naivety, hey, I will reveal to you my diary. Pulling to words what I'm feeling, pulling to words my whole life, pulling to words what I'm feeling, pulling to words my whole life. You chain when we don't freak out of chain. We're

ckrl.qc.ca. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne La Fabbrica dell'Assolute. C'est une jeune formation qui a débuté à Rome en 2012. Ils n'ont fait paraître qu'un seul album jusqu'à maintenant, inspiré de la nouvelle de George Orwell, 1984. Alors le titre de l'album, 1984, L'ultimo uomo d'Europa. Il est paru en 2015 et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est les trois pièces d'ouverture. On aura également la formation britannique Capricars Constant, qui a été fondée à Londres en 2016, constituée des multi-instrumentistes et compositeurs Al Nicholson et Nick Jefferson. Il compte aussi dans ses rangs David Jackson, ex Van der Graaf Generator, sa fille Dory Jackson aux voix et d'autres musiciens. Ils ont trois albums à leur actif. Leur premier, Fate Outsmarts Desire, est paru en 2017. Leur second, Death of Field, est paru en 2019. Et leur plus récent, The Murder Wall, paru en 2022. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de leur second album et la pièce Ghost Plains. Et Michel, on débute le bloc musical avec une excellente formation italienne. Oui, on va avoir un extrait du plus récent album de la formation Odessa. Le groupe a fait ses débuts sur disque en 1999 avec l'album Stazione Getsemani. Et puis, il a fallu attendre 10 ans pour que le second album paraisse. Le titre de l'album, c'est The Final Day, c'est paru en 2009. Et encore plus longtemps, il a fallu attendre en 2022 pour le troisième album, L'Alba della Civiltà. Et ce soir, on vous propose un extrait de cet album, la pièce Invocazione. Se facciamo piano, questo mondo insano non si accorgerà di noi, ma da questa via di semi. pensavo si colorerà di noi. Respirando pieno questo tempo strano ci somiglierà di più. Stai con me ed io sorriderò. Stai con me e crescerò con te. Quando il sole nuovo splenderà, cambierà anche un mondo, sempre eternamente in memoria di ciò. Defense, pure revenge, this

questo vi dico, pensate con le vostre menti e vi accorgerete di non essere mai esistiti. Ciò che sentite non vi appartiene. Li avete amati nell'illusione di essere liberi. Spezzate le vostre catene e scoprirete che la verità di oggi non è altro che la menzogna di un nuovo domani.

There's the human race, guardians we are from afar. In everything that you see, was born and meant to be, placed upon the grace of our art. Why do you need to know about the oracle? The more you hear, the less you'll understand. The world that you live within simply must begin. See through its transparent hearts. But there's times when you won't perceive what you see. But with hope and faith on your side, you won't of this empty night, I looked around me and what a sight. 12 dancing angels as they sang to me with muted perfect harmonies. To understand their thoughts, that points the way. Conclure l'émission de ce soir, on a retenu une formation suisse, et ça, je dois l'avouer, c'est peu courant. La formation a pour nom RAK, R-A-K, et ça a été mis sur pied par le claviériste Marc Grassi, qui auparavant faisait partie du groupe Tonk. Ce soir, on vous propose un extrait du premier album qui a pour titre Lepidoptera. C'est paru en 2004. Et puis, malheureusement, seulement un autre album a été lancé en 2012, The Book of Flight. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. Choose to measure East.